cours numéro 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa qawluhu afdalul iman, an ta'lama anna Allah ma'ak, haythuma kunt, hadithun hasan. هذا الحديث الإمام ابن تيمية رحمه الله اللي سيته هنا في مسألة المعية أي لأحاديث précédents qu'on a étudié ensemble c'était في صفة العلو أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de sa créature أين الله قالت في السماء وهذا الحديث c'est في صفة المعية. Et avant d'expliquer, on va lire le matn, Inch'Allah ta'ala. Et هذا الحديث, il est ضعيف. في سنده نعيم ابن حماد رحمه الله وفيه ضعف. Et كذلك, بعض العلماء ils l'ont cité comme مرسل, أنه il est مرسل, فيه عروة. Et هكذا d'autres علل. فعلى كل حال الحديث Il est faible. Al-Imam al-Albani, rahimahullah, dha'afahu kama fi dha'ifa. Numéro 2589. Pour celui qui veut la référence, Al-Imam al-Albani, rahimahullah, il a détaillé les causes de la faiblesse de ce hadith. Qala wa qawluhu, idha qama ahadukum ila s-salat, fala yabsuqanna qibala wajhih, wala an yaminihi, fa inna allaha qibala wajhih. ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين لكن هنا dans cette nusra que j'ai, dans cette version que j'ai, أن قوله فإن الله قبل وجهه أخرت هذه اللفظة وإلا dans le hadith هذه اللفظة est citée au début. On répète wa qawluhu alayhi salatu wassalam idha qama ahadukum ila as-salat fa inna allaha qibala wajhihi hakadha as-sawab thumma fala yabsuq qibala wajhihi et dans un lad fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Donc une partie de phrase elle a été citée un peu plus loin dans le hadith. Fa al-hadith il est sahih, il est fi as-sahihayn. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam Allahumma rabb as-samawati as-sab' wal ard wa rabb al-arsh al-'azim rabbana wa rabb kulli shay faliq al-hab faliq al-hab wan-nawa munzil at-tawrah wal-injil wal-qur'an. Dans Sahih Muslim Al-Furqan, à la place de Al-Qur'an. Et dans le hadith, fi Sahih Muslim, c'est pas cité Al-Qur'an, c'est cité Al-Furqan. Al-Furqan, c'est le Qur'an. Qala a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Anta al-awwalu falaysa qablaka shay, wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم هكذا في هذه النسخة. الصواب سيرواه مسلم وإلا فست رواية يا beaucoup de mots ils sont pas في صحيح مسلم. Donc on conclut أن dans un lafz de al-wasitiyya c'est riwayatu muslim وهذا في نظر الصواب رواه مسلم لأن cette رواية que l'imam Nutaymiyyah رحمه الله il a cité certains mots c'est pas dans la version de l'imam muslim والأمر سهل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا إنما الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. Donc l'imam Al-Taymiyyah رحمه الله il a cité هذه الأحاديث pour montrer et pour argumenter أن الله عز وجل متصف بالمعية وهو معكم أينما كنتم. تقدم معنا dans les versets du Coran ولله الحمد l'explication de هذه الصفة. قال الشيخ سعدي رحمه الله هذان الحديثان دل على أن أفضل الإيمان مقام الإحسان والمراقبة. أي قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. On a cité ensemble أن الحديث إلى ضعيف لكن لا شك أن أفضل الإيمان سي مقام الإحسان والمراقبة. C'est pour ça que dans حديث عمر رضي الله عنه قصة جبريل أن جبريل عليه الصلاة والسلام il a cité les trois degrés de notre دين الإسلام والإيمان والإحسان. ولا شك أن الإحسان المراقبة سأفضل الإيمان. الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان سأدغي الله سبحانه وتعالى كم سي أن لفوي سي نو لفوا با هو عز وجل إل نفوا. والمراقبة on a détaillé ce point ولله الحمد ensemble dans l'explication des noms d'Allah سبحانه وتعالى اسم الرقيب. المراقبة أن الإنسان يعلم أن الله عز وجل يراه. C'est pour ça qu'il a cité الإحسان والمراقبة. فالعبد المراقب الله سبحانه وتعالى الرقيب يسمع ويرى et il sait tout. فالإنسان كي هذا الإيمان العظيم القوي ألا شك أن هذا سوف لدي أدغي الله سبحانه وتعالى encore plus. Et كذلك يحتسب الأجر في هذا الحال. Il va espérer la récompense. Et كذلك سيخاف من الله أكثر. لماذا؟ لأنه si son نفس il le pousse à faire un péché, il va se rappeler أن الله عز وجل il le voit, il l'entend. كذلك pour faire les adorations, il va se rappeler que Allah سبحانه وتعالى il le voit, il l'entend. Et Allah سبحانه وتعالى il a préparé une énorme récompense pour الصالحين. فالإحسان والمراقبة c'est très très important pour العبد et pour essayer de faire partie de هؤلاء المحسنين الذين يراقبون أي ceux qui savent que Allah سبحانه وتعالى يراقبهم plutôt. فالle moyen pour arriver à ce niveau bien sûr بعد توفيق الله عز وجل وهداية الله سبحانه وتعالى لكن la plus grande cause c'est d'apprendre les noms d'Allah سبحانه وتعالى d'apprendre ses attributs d'apprendre cette عقيدة حتى الإنسان يرمبل son cœur de علم et de إيمان ثم il essaye de mettre en application. فلهذا dans nos دروس quand on a étudié les noms d'Allah سبحانه وتعالى on a cité quand on pouvait les fruits الثمرات الآثار الفوائد المسلكية وهكذا dans notre étude de الواسطية ولله الحمد on revient à كلام الشيخ ابن عثيمين فإلى cité الفوائد المسلكية et هذا c'est très très important. قال وهو أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك وتعلم أن الله معك لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا والله يراك ويشاهدك ويعلم سرك وجهرك. أتأمل هذا الكلام الجميل. فإن لم تكن ترى فإنه يراك كما في الحديث أي si tu vois pas الله سبحانه وتعالى فإنه aucun doute أنه عز وجل te voit وتعلم أن الله معك الله il est avec toi وهو معكم أينما كنتم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يتقدم معنا أن هذه المعية العامة pour tout le monde أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم حال الجميع. الله سبحانه وتعالى il est avec nous أي بعلمه et il nous entend et il nous voit. قال وتعلم أن الله معك لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا والله يراك ويشاهدك. Toutes tes actions, toutes tes paroles, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu entreprends de faire, tout ce que tu as l'intention de faire, n'oublie jamais أن الله عز وجل يراك, il te voit. On ne fait pas pour les gens. Là, Allah il te voit. كذلك notre préoccupation c'est pas de satisfaire les gens. Là, لأن الله عز وجل يتوى. كذلك si tu vas faire une mauvaise chose, même si personne te voit من العباد, فالله عز وجل يتوى. فاحذر. فاحذر. Tu es مراقب. الإنسان, s'il a cette عقيدة, avant de parler, avant d'agir, ben avant de penser, ça va lui être utile جداً. Et si on rajoute « أن الله عز وجل خلق ملائكة حفظة » Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges à notre droite et à notre gauche. Un ange à droite, un ange à notre gauche. Ils inscrivent tout ce qu'on fait. « زيد على ذلك أن nos membres » Allah subhanahu wa ta'ala, il fera témoigner certains membres « يوم القيامة » Hey, des mains, des jambes, elles, ses membres, ils témoigneront يوم القيامة. فأين المفر؟ فلهذا الإنسان محاط به لمراقب. Allah سبحانه وتعالى محيط بالعباد. Personne ne peut s'échapper. Personne ne peut se cacher. Personne ne peut dissimuler. Allah سبحانه وتعالى يعلم يرى ويسمع. قال رحمه الله ويعلم سرك وجهرك. السر والجهر عند الله سبحانه وتعالى سي سواء. السر سي quand on parle à voix basse et الجهر سي à voix haute. بل يعلم أخفى من السر. يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر. أي le fait de penser الله سبحانه وتعالى يعلم. بل الله سبحانه وتعالى il a tout décrété avant de créer les cieux et la terre. Et tout ce qu'on allait dire, tout ce qu'on allait penser, tout ce qu'on allait faire, tout ça, c'est écrit Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. Falihada l'insan yihdar. Il fait très très attention. Qala wa an talzim al-adab ma Allah khususan ida dakhalta fi s-salah. Hada al-ilm, al-iman, ça doit nous donner ce fruit. Hadihi al-thamara al-azima. Que ça soit dans notre cœur, que ça soit dans notre langue, que ça soit avec nos membres. Ay al-adab, le bon comportement. Et le bon comportement, awalan c'est ma Allah, subhanahu wa ta'ala. Avoir un bon comportement envers Allah, azza wa jal. C'est lui qui t'a créé, tu dois être reconnaissant. C'est lui qui t'a ordonné de l'adorer, fait, tu dois l'unifier dans l'adoration. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui t'a facilité. Tu dois essayer de faciliter aux autres. C'est ça le bon comportement. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est lui qui a légiféré des lois. Fi le Coran, fi le Sunna. Tu dois les respecter, tu dois les aimer. Tu dois essayer de les appliquer autant que tu peux. Et avoir de ne pas les rejeter. Comme huwa hal a'da illah azza wa jal. C'est ça le bon comportement. Wa'ad an-nas yudandinuna hawla al-adab laylan wa nahara. Et leur but, leur objectif, c'est le comportement envers les gens. Ba'dhum peut-être que iyadun billah ils rejettent certaines adorations, ba'dhum ils rejettent les sentences que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré. Ba'dhum ils s'autorisent des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a interdites. Comment ils parlent de bon comportement envers l'ibad, envers les autres, faqat. Ça c'est pas le bon comportement. Le bon comportement c'est le bon comportement envers Allah azza wa jalla awwalan. Et on a cité le comment, l'adorer, l'unifier, obéir à ses lois, il a arrêté le bon comportement envers notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, l'aimer plus que nous-mêmes, lui obéir, le suivre alayhi salatu wasalam, ne pas faire passer la vie de quiconque avant sa voix sallallahu alayhi wa sallam, aimer ses compagnons radiyallahu anhum, détester ceux qui les détestent, c'est ça le bon comportement. Thumma thalithan, le bon comportement envers المؤمنون et envers غير المؤمنين كذلك أي envers les êtres humains envers le bachar envers le makhlouq envers les animaux هذا c'est هكذا que le muslim il doit cheminer faire passer الأهم فالأهم celui qui a un bon comportement envers Allah عز وجل et envers الرسول عليه الصلاة والسلام il aura un bon comportement envers les autres لماذا لأن هذا الدين cette religion c'est دين الأخلاق إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الخلق سأثقل أو من أثقل الأعمال يوم القيامة في الميزان. Le bon comportement, ça sera une des œuvres les plus lourdes. لكن avec هذا الريان قال وأن تلزم الأدب مع الله خصوصا إذا دخلت في الصلاة التي هي أعظم صلة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وبين ربه فتخضع وتخشع وتعلم أنك واقف بين يدي الله. Le bon comportement dans ce cas, même si tu es tout seul. لأن بعض الناس quand ils sont en public في جماعة ils font la salat d'une façon avec calme, avec recueillement en apparence, en suivant certaines sunnahs. Et quand ils sont tout seuls, la précipitation il a akhir. Hada c'est un mauvais comportement. Limadha li'anna que tu fasses salat seul ou dans un masjid plein, en pleine journée, en pleine nuit, devant du monde ou devant personne, Allah subhanahu wa ta'ala yarak. Allah subhanahu wa ta'ala il te voit. Et cette salat, c'est lillah azza wa jal. فلهذا قال فتقلل الحركات ولا تسيء الأدب معه بالبساق أمامك أو عن يمينك فهذه المعية ما أنفع للعباد استحضارها. Parmi le bon comportement, comme قال النبي عليه الصلاة والسلام, c'est de ne pas cracher devant soi في الصلاة pendant la salat. لا. قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الصلاة فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلْ وَجْهِ فَلَا يَبْسُقْ قِبَلَ وَجْهِ أي tu ne dois pas cracher devant toi. وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِ السُنَّة يعني, tu peux avoir ce besoin. خاصة بعض الناس qui sont atteints par certaines maladies, ils ont besoin de cracher souvent. فَهَؤُلَا à leur gauche ou en dessous de leurs pieds. Bien sûr, à notre époque avec le firash, avec les moquettes, les tapis et la akhir. فَالسُنَّة c'est de cracher à gauche. لكن bien sûr dans un mouchoir. Et celui qui n'a pas de mouchoir, ففي ثوبه, dans son vêtement, ثم, quand il sort, il nettoie ذلك. À la كل حال, il ne crache surtout pas devant lui, même s'il est en salat, في السفر, et il est dehors. Et il est seul, il est dans un endroit désertique. Là, là يجوز, c'est haram de cracher devant soi pendant la salat. لماذا؟ قال لأن فإن الله قبل وجهه. Et c'est ça, الشاهد من الحديث. قال الشيخ سعدي رحمه الله فهذه المعية ما أنفع للعباد استحضارها في كل أحواله. Ça c'est une faïda عظيمة. Et on avait lu كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب, كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله, كلام الإمام بن القيم رحمه الله, وهنا كلام الشيخ سعدي. هذه المعية ما أنفع للعبد استحضارها. أي si tu te rappelles que Allah subhanahu wa ta'ala il est ma'ak, il est avec toi, il est au-dessus de son trône, il est au-dessus de la créature. Allah subhanahu wa ta'ala il est pas à l'intérieur de la créature, lakin il est ma'ak, il te voit, il t'entend où que tu sois. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت, crains Allah où que tu sois. لماذا؟ لأن Allah subhanahu wa ta'ala il te voit, il t'entend, et tu seras interrogé, jugé sur tout ce que tu as fait à n'importe quel moment, n'importe quel endroit. قال ما أنفع للعبد استحضارها في كل أحواله لا سيما في عباداته فإنها أعظم عون على المراقبة التي هي أعلى مراتب الإيمان فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله واستحضار قربه ولا منافاة بين الأمرين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله dans الواسطية il a cité un fasl نافع جدا sur Al-Ulu ou Al-Muraqaba. Depuis le début du livre, on a étudié des versets dans Al-Ulu. A'amintum man fi s-sama, ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, etc. Des versets sur Al-Ulu ou l'istiwa. Thumma, on a étudié des versets كذلك dans le Ma'iyya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Inna Allaha ma'alladhina attaqaw. Thumma, il a cité des ahadith sur Al-Ulu. Aynama Allah fi s-sama. ثم il a cité هنا quelques ahadith sur Al-Ma'iyya. ثم après cela, dans quelques durus, inshallah ta'ala, on étudiera un fasl nafi' al-Imam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a cité sifat al-ulu et sifat al-Ma'iyya et il a montré rahimahullah qu'il n'y avait aucune contradiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus et il est ma'ana. Allah azza wa jal, il est au-dessus, on a des textes clairs et il est avec nous azza wa jal. Et si tu as compris que Al-Ma'iyya, قد تكون عامة أو خاصة. العامة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى il nous voit, il nous entend, etc. الخاصة أي elle est خاصة بالمؤمنين أي il est مع المؤمنين بنصره وتأييده وحفظه عز وجل. الحمد لله tu n'auras aucun problème à comprendre, aucune ambiguïté. Et Inch'Allah, comme on répétera Hada dans le fasl. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله par rapport à ce dernier hadith في شرحه يستفاد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي أمام وجه المصلي أمام c'est en face وجه المصلي c'est وجه المصلي c'est la face du مصلي أي devant toi en face de toi et devant toi. ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال إنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء أي النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé أن الله سبحانه وتعالى il est en face du مصلي et il nous a informé أن الله عز وجل il est au-dessus. واحد il peut croire qu'il y a une contradiction et celui qui pense qu'il y a une contradiction il faut qu'il sache أن النبي صلى الله عليه وسلم il ne peut pas se contredire. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il était appuyé par la révélation. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune contradiction. Pourquoi? C'est la révélation de Al-Alim, Al-Khabir, Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. La contradiction, ça vient de la faiblesse, ça vient d'un manque de science, ça vient d'un manque de distinction, de discernement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Hakim, c'est Al-Khabir, Azza wa Jalla. Donc, il ne peut pas y avoir tous ces manquements ou ces imperfections dans la révélation d'Allah Azza wa Jalla. هذا أولا. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الذي قال إنه في السماء ولا تتناقض في كلامه ولا تناقض في كلامه هذا وهذا إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه. Il n'y a pas de contradiction. Si tu reviens à Ahlul Ilm et si tu étudies ta aqida, tu verras que Al-Ulama ils ont cité des significations très simples. L'aqida c'est clair. Lakin pour celui qui a un manque dans la science, où il se précipite, il peut penser qu'il y a une contradiction. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité trois points pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction. On répète, « Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'ana, ou huna, il est amam wajh al-musalli. » Amam, on peut traduire par « en face wajh al-musalli, ay celui qui fait la salat. » Et il est au-dessus. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité trois points. قال الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين متناقضين. C'est ce qu'on vient de citer. Les deux hadiths, ils sont صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa parole, ces deux hadiths. Et dans notre dîn, il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك. فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار فتكون أمامه وهي في السماء. هذا سامتال طيب حتى في المخلوقات ça se contredit pas أحيانا. مثلا on dit واحد le soleil il est en face de lui, le soleil il est devant lui. Certaines traductions ربما qu'on cite elles sont pas claires ou il y a des traductions qui peuvent être meilleures. فلهذا أحيانا on change de mot et ça nous montre l'importance في الحقيقة d'étudier هذه العقيدة en arabe pour éviter tous ces problèmes de traduction. على كل حال le soleil, il peut être devant toi. Le soleil, il est devant toi, il t'aveugle les yeux. Tu dis, le soleil, il est face à moi, je vois rien. Le soleil, il est devant moi, je vois pas. Maintenant, quand tu conduis. Est-ce que le soleil, il est avec toi sur terre, là? Le soleil, il est fils de main. Le soleil, il est dans le ciel, on n'a aucun doute. Hakada, la lune. Faqala, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, فتكون أمامه وهي في السماء ويستقبلها في آخر النهار وتكون أمامه وهي في السماء أي الشمس. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك. Si tu acceptes ça في المخلوق dans une créature comme le soleil qui peut être en face de toi ou face à toi ou devant toi et on est tous d'accord que le soleil il est dans le ciel. ولله المثل الأعلى. Pourquoi tu aurais des doutes en Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus et il est face au musalli quand il fait la salat. Il n'y a aucune contradiction. الوجه الثالث هب أن هذا ممتنع في المخلوق فإنه لا يمتنع في الخالق لأن الله تعالى ليس كمثله الشيء في جميع صفاته. On suppose qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'il y a une contradiction pour nous par rapport à la créature. Une créature, elle ne peut pas être devant nous, face à nous et au-dessus. Si on qaddar hada, si on suppose cela, Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Ne compare surtout pas la créature et la situation de la créature, l'état de la créature avec awsaf al-bari jalla wa ala, avec les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses. هذا كلام جميل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله نعم أو الشيخ سعدي dans son شرح vous avez remarqué qu'il a اختصر il a pas expliqué tous les أحاديث et on peut citer الشاهد من هذه الأحاديث فقوله اللهم رب السماوات السبع إلى آخر هذا الدعاء الطيب الشاهد منه سقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر سساء الشاهد الله سبحانه وتعالى سالظاهر أي لأدسو من معاني الظهور سالعلو الظهر الأرض سالدسو دو لاتير فالله سبحانه وتعالى سالظاهر أي لأدسو فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس فوقك شيء فسنمونتر un tafsir واضح et c'est une explication du prophète alayhi salatu wasalam ان الله سبحانه وتعالى il est au-dessus et il y a rien qui est au-dessus de lui ça nous montre qu'Allah il est au-dessus des créatures اما ceux qui disent qu'Allah il est partout il est معنا هذا c'est très très grave c'est du kufr c'est de la mécréance لماذا لان ça contredit des textes clairs وانت الباطن فليس دونك شيء وتقدم معنا والله الحمد le sens de ces noms dans notre explication des noms d'Allah عز وجل. Donc, al-zahir, ça ressemble à al-ali, celui qui est au-dessus. Et al-batin, ça ressemble à al-qarib, celui qui est proche. C'est pour ça qu'il n'y a aucune contradiction entre al-zahir ou al-batin. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans son sharh, qala, al-zahir ou al-batin, wa huma mahallu shahid min al-hadith. Et on répète à nos frères, Anna, c'est ça qui est important dans cette étude. On cite des fawaïd min kalam al-Sheikh Sa'di rahimahullah, comme on vient de citer sur la salat, sur l'importance d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant qu'il nous voit ila akhir. Et ça, c'est des fawaïd tayyiba. On a besoin. C'est pour ça qu'on les cite. Et c'est le fruit de cette aqidah. Lakin, on n'oublie pas, le but de cette étude, c'est ces hadith de connaître al-Shahid. Et pourquoi l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a cité hadith hadith? Pourquoi il a cité cette dua? C'est pour ce passage. Donc, bien connaître la preuve et bien connaître pourquoi le cheikh il l'a cité ثم comprendre فقوله الظاهر والباطن قال شيخ الفوزان وهما محل الشاهد من الحديث لأن فيهما إثبات علو الله وقربه deux choses tu as العلو et tu as قرب الله سبحانه وتعالى الله il est au-dessus et il est قريب il est proche قال شيخ الفوزان وأنهما لا يتنافيان عند أهل السنة il n'y a aucune contradiction الله سبحانه وتعالى il est proche et il est au-dessus الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه اي لفوق المخلوقات اي لمعنى اي لقريب tout ça il y a aucune contradiction si tu comprends la signification des salaf قال ولا يتناقضان فهو قريب في علوه وعلي في دنوه الله سبحانه وتعالى il est proche en étant au-dessus et il est au-dessus en étant proche سبحانه Et on répète أن الجمع بين هذه الأوصاف أي المعية والقرب والعلو tout ça Inch'Allah on détaillera أكثر et on essaiera de simplifier à nos frères dans le chapitre que l'imam ibn Taymiyyah il a cité رحمة الله عليه بقي على dernier حديث قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير قال أيها الناس ربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائب إنما الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا هذا الشاهد أن الله إليه قريب quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a entendu certains compagnons qui élevaient leur voix avec الذكر il leur a dit Pas besoin d'élever la voix. Celui que vous invoquez, il entend, il voit et il est qareeb, il est proche. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il est proche et il nous a informé qu'il est au-dessus. Qala, inna alladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuq rahilatihi muttafaqun alayh. Donc, ash-shahid, aïe, pourquoi l'imam Taymiyyah, rahimahullah, il a cité ce hadith, c'est clair. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته عنق الراحلة للراكب قريب جدا عنق الراحلة c'est le cou de ta monture que ce soit sur un cheval, sur un âne, sur un chameau quand tu es dessus sur ce chameau مثلا son cou il est en face de toi il est très très proche فالنبي صلى الله عليه وسلم il nous a informé أن الذي تدعونه أي الله سبحانه وتعالى que vous invoquez il est plus proche de vous que le cou de votre monture donc tu n'as pas besoin d'élever la voix ça nous montre أن السنة في الذكر c'est الهدوء c'est السر أو plutôt عدم رفع الصوت c'est ça la sunna dans الذكر sauf bien sûr quand on a un dalil qui montre spécifiquement qu'il faut élever la voix dans un ذكر وإلا فبعض الناس quand ils invoquent كأنهم ils se sentent obligés de crier d'élever la voix pour être entendu. Là, Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir. Même si tu fais ce dhikr à voix très très basse, Allah subhanahu wa ta'ala il t'entend. قال فالله تعالى اقرب من هذا الى الانسان ومع هذا فهو فوق سماواته على العرش ولا منافات بين القرب والعلو. Il y a aucune contradiction. Un Allah azza wa jalla il est au-dessus et il est proche de nous. وهذا كما تقدم سيأتي بإذن الله ثم قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته في رواية بالتشديد وفي رواية بالتخفيف فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. Ce hadith il est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, إلا قوله ليلة البدر. Cette ziyada n'est pas dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Dans Sahih al-Bukhari, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Donc ليلة البدر, أي les nuits de pleine lune, c'est pas cité dans الصحيحين dans ce hadith. قال الشيخ سعدي رحمه الله وقد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة وأنهم يرون ربهم ويتمتعون بمشاهدته وهي تدل على أمرين. Donc beaucoup de hadith et كذلك beaucoup de versets ou certains versets plutôt qu'on a étudié ensemble وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة et d'autres versets anna al-mu'minu anna al-mu'minin verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah et fil jannah dans deux endroits yawm al-qiyamah avant de rentrer fil jannah ils le verront et fil jannah chaque croyant il verra Allah subhanahu wa ta'ala wa nas'alu Allah azza wa jalla an yaj'alana minhum donc beaucoup de ahadith fi hada fa ahlu sunnah yuthbituna هذه الرؤية أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى avec leurs yeux contrairement à ce que certains égarés ils ont dit أن الرؤية هنا قالوا c'est البصيرة أي c'est avec le cœur c'est pas avec les yeux tu peux pas voir Allah avec les yeux عندهم et هذا c'est باطل قال ويتمتعون بمشاهدته وهي تدل على أمرين على علوه على خلقه لأنها صريحة بأنهم يرونه من فوقهم وعلى أن أعظم النعيم نعيم النظر إلى وجهه الكريم. Donc deux choses. La première, أن أدلة الرؤية, c'est des preuves كذلك أن الله عز وجل est au-dessus. كما قال أهل السنة. Et تأملوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. Vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voyez la lune en pleine nuit ou les jours de pleine nuit. هنا At-tashbih, il n'est pas, bien sûr, bayna Allah wa bayna al-qamar. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Par des gens qui se précipitent, ils peuvent penser que huna, il y a un tamthil, un tashbih, une comparaison entre Allah et la lune. Abadan. Ce qui est comparé, huna, c'est le ru'ya. فتأملوا قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون. Donc ce qui est comparé, c'est ces deux ru'ya. Et votre vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la vision d'Allah azza wa jal, ça sera comme la vision de la lune. Et votre façon de voir. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam akkada dhalik قال لا تضامون ou لا تضامون في رؤيته. Et on n'aura pas besoin de se bousculer. Et ça nous montre que Allah azza wa jal, il est au-dessus. Et Anna, si aujourd'hui, en plus on est le 15, cette nuit ça sera une nuit de pleine lune, Inch'Allah. Si on se rassemble à 10, à 20, à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000 dans un endroit et qu'on veut voir la lune, s'il n'y a pas de nuages, on n'aura pas besoin de se bousculer. L'imad ali Anna, la nuit, la lune elle est au-dessus. Contrairement au, si la lune elle serait en bas, en face de nous, peut-être que si quelqu'un est plus grand que toi, tu ne peux plus voir. Ou si elle serait en bas de nous, encore moins, tu ne pourrais pas voir, à cause du monde. Mais si la lune elle est au-dessus, tu n'as aucun problème. Tu n'as plus qu'à lever le regard et tu verras la lune. Même si il y a du monde, même si c'est serré. هذه الرؤية هكذا المؤمنون ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est clair que il n'y a aucune comparaison entre la lune et Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Khaliq, c'est lui qui a créé la lune. Mais la comparaison, c'est la vision. Donc, tu as dit que Allah Azza wa Jal, il est au-dessus. Les mu'minin, ils le verront. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'Ali, c'est une sifa dhatiya. Il a toujours été au-dessus, il sera toujours au-dessus, subhanahu. Donc, هذا, inshallah ta'ala, c'est clair. Qala, wa'ala anna a'zam an-na'im, na'im un-nazar ila wajhihi al-karim. Et la plus grande récompense, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. وحثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خصوصا فيه إشارة على أن من حافظ عليهما نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل عنده كل نعيم. Ces deux salawat, النبي صلى الله عليه وسلم leur a donné beaucoup d'importance, comme toutes les salawat, صلاة الفجر et صلاة العصر. Celui qui donne de l'importance et qui fait ces deux salats constamment, régulièrement, à l'heure, pour les hommes au masjid, Inch'Allah ta'ala, c'est une alama, c'est un signe que هذا المؤمن, il est à la khair, il est guidé, il est sur le bien. On doit donner de l'importance et on ne doit rien laisser passer avant ces salawat, ou ne pas laisser une chose nous distraire عن هذه salawat. Salat al-fajr et salat al-asr. Beaucoup de gens ils sont occupés à cette heure. Ils travaillent, ils rentrent du travail. C'est pour ça qu'on doit lui donner de l'importance et la faire à l'heure. Et fil masjid, tant qu'on peut. Beaucoup de gens ils sont distraits à cause du sommeil. Ils ont veillé la nuit, ils n'arrivent pas à se réveiller. Ça demande mujahadatu nafs as-salawat. C'est pour ça que al-munafiqoun, ils avaient beaucoup de mal à appliquer ces salawat à l'heure. L'imad ali anna, c'est pas le physique qui va t'aider. C'est pas le physique. C'est pas, tu peux pas t'entraîner physiquement pour faire la salawat. Abadan. Là, ce qui aide pour salat, c'est l'ikhlas. La sincérité. Kadalik, ce qui aide, c'est ce qu'on a cité précédemment. An Allah azza wa jal yarak. Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit quand tu vas au masjid. Il sait si tu ne vas pas au masjid. Il voit si tu as fait salat à l'heure. Il sait si tu t'es réveillé. Amla. Il te voit. Et il t'entend fi jami' hadhihi al-halat. Hada, ça va t'aider à faire des efforts. Kadhalik, ce qui aide, c'est savoir la gravité de délaisser hadhihi as-salawat. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man taraka salat al-asr faqad habita 'amaluhu. Celui qui délaisse salat al-asr, Allah subhanahu wa ta'ala lui annule ses œuvres. Ça c'est un hadith azim. On ne doit pas négliger. Les ulama, ils ont des explications, bien sûr, qu'on a déjà citées. Ça nous montre la gravité de délaisser هذه الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala قال فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ah, ils font salat. Ils font salat, mais ils ont de la refla. Ils sont négligents. font pas à l'heure, بعضهم ils font pas en jama'a, etc. Allah subhanahu wa ta'ala قال فويلون للمصلين. انتبه. قال فويلون قال للمصلين. أي هؤلاء في الصلاة. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال فويلون لهؤلاء. Que dire de celui qui ne fait pas salat? Que dire de celui qui se moque de cette salat? Que dire de celui qui déteste ceux qui accomplissent cette salat? Ayyadan billah. قال الشيخ سعدي رحمه الله وهذا يدل على تأكدهما كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الحديث متفق عليه. نعم, beaucoup de hadith qui montrent l'importance de ces deux salawat. والله المستعان. بقي شيء من الوقت. On avait dit qu'on citerait la mas'ala de Ar-Ru'ya bi-Ikhtisar. Madri, est-ce que on aura une occasion de la reciter plus tard ou on la cite? Afdal, on la cite. هنا ولو باختصار. On l'avait déjà détaillé ولله الحمد dans notre explication de Al-Lamiyya de l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. On essaye de relire ولو باختصار ce passage. شيخنا الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله تعالى ورعاه. Dans son charh de l'Amiya, il a cité هذه المسألة باختصار. Il a cité les différents avis. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة. أي, est-ce que les kuffars et les hypocrites y verront Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. الخلاف est sur ce point. أما في الجنة, هنا c'est clair أن il n'y a que les croyants qui le verront. لماذا لأن المنافقين et الكفار ils seront في النار, ils seront en enfer, donc ils rentreront pas au paradis, donc ils pourront pas voir Allah عز وجل au paradis. بقي يوم القيامة, le jour du jugement. Est-ce que quand les croyants y verront Allah, est-ce que eux aussi le verront? C'est ça le sujet. Et العلماء اختلفوا, trois avis. Le premier avis, وكذلك هنا نبه أن هذا الخلاف, cette mas'ala n'était pas citée à l'époque des salafs. Cette mas'ala est venue après al-qurun al-mufaddal. Amma as-salaf, ils n'ont pas cité cette mas'ala. Lakin, vu que certains ils ont cité ce sujet après, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah, l'imam ibn al-Qayyim et les savants de notre époque, ils citent cette mas'ala. Le premier qawl, anna al-kuffar la yarawna rabbahum bihal la al-mudhhir lil-kufr wa la al-musir. Le premier qawl, anna al-kuffar, et c'est le qawl, l'avis qui est connu, et que beaucoup de savants contemporains, ils ont montré, ils ont propagé, anna al-kuffar, que ça soit al-kuffar, les juifs, les chrétiens, et tous les kuffars, ou les hypocrites, qui font apparaître l'islam, lakin, au fond d'eux, ils ne croient pas, fa ha'oula, ils ne verront pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est qawl kathir, mina l'ulama. Al-kawl al-thani, أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها وذلك في عرصة القيامة وهذا قول جماعة من أهل السنة. Le deuxième قول, أن les kuffars ils le verront pas. Bien sûr, les croyants ils le verront. Dans les trois cas, les croyants ils verront Allah عز وجل, donc on n'a pas besoin de répéter. Donc le deuxième cas, أن ceux qui feront apparaître ou ceux qui ont fait apparaître l'islam dans ce bas monde, et les hypocrites, quand ils seront ressuscités en tant qu'hypocrites, ha'oula, à un moment donné, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va citer quelques preuves. وَيَدُلْ عَلَى هَذَا قَوْلْ حَدِيثَ الْقَوْلْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةِ فِيهَا مُنَافِقُوهَا. C'est pour ça que c'est important avant de rejeter un قول. لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ tellement qu'ils ont été habitués, مثلاً dans ce sujet au premier قول, أن les kuffars et les hypocrites ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils se précipitent en se fondant sur une muqaddima qui est fausse. Et eux, ils pensent que celui qui voit Allah subhanahu wa ta'ala, forcément Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Et forcément, c'est une ru'ya, c'est une vision de récompense, etc. C'est pour ça que Ba'd al-Nas, ils n'arrivent pas à comprendre. Wa illa, si tu comprends هذا الحديث, tu verras que le khilaf, la divergence, elle est très très forte dans ce point. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها أي الكفار سيغون في النار الكفار سيغون سويفي chacun suivra ce qu'il a adoré sur terre ceux qui ont adoré les idoles ceux qui ont adoré des statues il a akhir. Vu que les hypocrites ils ont fait apparaître qu'ils adoraient Allah Azza wa Jalla à ce moment ils resteront encore avec les croyants فقال فياتيهم الله تبارك وتعالى في سوره غير صورته التي يعرفون فيقولون فيقول انا ربكم فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فياتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفونها فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه دونك دون سو حديث quand الله سبحانه وتعالى viendra et le mu'minun ils le verront. Vous avez remarqué que dans le hadith, c'est cité al-munafiqoun. Donc, al-munafiqoun, ils assisteront à hada. Donc, بعض العلماء قالوا أنهم ils le verront كذلك. وفي قوله فيأتيهم في صورته التي يعرفون دليل على أنهم قد رأوه في أرض المحشر. Et ça, c'est الشاهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتيهم في صورته. أي ils verront Allah subhanahu wa ta'ala التي يعرفون. Alors qu'ils l'ont déjà vu auparavant. Ça nous montre qu'on a cette étape. Les croyants, bien sûr, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك المنافقون à ce moment. قال بل قد جاء في حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد والدلالة من قوله التي رأوه فيها أي حديث il est clair أن à ce moment tous ceux qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit les vrais croyants ou les hypocrites en apparence Allah subhanahu wa ta'ala quand il viendra il leur sera dit qu'est-ce que vous attendez ils diront Allah etc فقال النبي صلى الله عليه وسلم التي رأوه فيها أي ils auront vu Allah subhanahu wa ta'ala dans sa surah qu'ils ont déjà vu le mot qu'ils ont déjà vu ça englobe al-mu'minun et les hypocrites هذا أولا أو plutôt القول الثاني le troisième قول أن الكفار يرونه رؤية التعريف والتعذيب ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم si tu as compris هذا ça va te simplifier la compréhension de cette mesela le troisième قول أن même les كفار ils le verront أي le jour du jugement avant de rentrer en enfer هذه الرؤية c'est une رؤية التعذيب pourquoi لأنهم ils le verront ثم un voile il sera mis entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala ils pourront plus le voir et ça c'est très très difficile ça c'est un نوع من العذاب هذا c'est un châtiment قال وهذا القول قول أبي الحسن بن السالم وأصحابه وغيرهم et d'autres parmi علماء الحنابلة et d'autres واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقوله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح أنت الحق ووعدك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق ces trois adillah c'est par rapport à l'iqa la rencontre أي ces deux versets ce hadith ils nous montrent أن chacun de nous on rencontrera Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous de ce mot, al-liqa, la rencontre. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala قال وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَنِ أو أَهْلُ اللِّسَانِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ اللِّسَانِ أي les savants de la langue arabe, ils sont unanimes على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السالم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. Les savants de la langue arabe, ils sont unanimes أن la rencontre quand elle est citée, elle est forcément accompagnée de ru'ya, de la vue. Tu vas rencontrer quelqu'un, c'est que tu vas le voir. C'est ça la base. Donc, tant qu'il n'y a pas un dalil qui montre le contraire, la rencontre, ça montre ru'ya. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله. Donc c'est ce qawl que Ibn al-Qayyim rahimahullah il a choisi. Wa hadha qawl huwa alladhi sarraha bihi Ibn al-Qayyim fi Hadi al-Arwah hayth qala faqad dalat al-ahadith as-sahiha ala anna al-munafiqin yarawnahu ta'ala fi 'arasat al-qiyamah bal wal kuffar aydhan kama fi as-sahihayn fi hadith at-tajalli yawm al-qiyamah. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ترجيح هذا القول فقال نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا في عرصات القيامة. Ça nous montre qu'on a qu'il a précisé un fil jannah, c'est pour les croyants. Autre que al-jannah, ça peut englober les hypocrites et les kuffars. Lakin, la vision des croyants, c'est une récompense, etc. C'est un énorme bien pour eux, c'est la plus grande récompense. Et al-qawl, qui montre que même les kuffars et les munafiqin, ils le verront, c'est mimbab al-ta'dhib. Et كذلك, Cheikh Mohammed Khalil al-Harras, rahimahullah, dans son charh de l'Wasitiyya, il a choisi هذا القول. وقد استدل أهل القول الأول بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن ce dalil montre أن الكفار il y aura un hijab entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, chacun a si un hijab entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu ne le vois pas, tu ne le verras pas. Lakin, ceux qui ont choisi le deuxième qawl et le troisième qawl, hey, que ça englobe le munafiqoun, le troisième qawl, ça englobe le munafiqoun et les kuffars et les mécréants, les hypocrites et les mécréants, ils ont répondu, قالوا الحجب المذكور بعد المحاسبة فإنه قد يقال حجبت فلانا عني وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية والذي يظهر لنا والعلم عند الله أن هذا القول الثالث هو الراجح والله أعلم. بل بعضهم ils ont cité ce verset كالإمام ابن القيم رحمه الله et d'autres qui ont choisi que même les kuffars ils le verront رؤية التعذيب وعذاب. Ils ont dit أن هذا في الحقيقة ça montre qu'il y a une رؤية لأن le fait qu'il y ait un hijab entre eux et Allah سبحانه وتعالى c'est après cette rencontre, après cette vision. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مثلاً أنت واحد يبقى تفوار ثم ينفوار entre toi et lui et entre toi et lui il y a un hijab un voile. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'a pas vu avant? Ça ne veut pas dire cela. Donc جمعن بين الأدلة et avec la langue arabe في الحقيقة قول الإمام ابن القيم رحمه الله et كذلك son الشيخ avant lui et كذلك الشيخ محمد خليل الهراس et d'autres c'est un قول قوي c'est un قول très très fort ولله الحمد. Et هنا ننبه أن هذا كما ترى صار خلاف بين أهل السنة. Et un deuxième tambih, une deuxième remarque. La première, c'est que c'est une divergente entre Ahl al-Sunnah. Donc, celui qui choisit le qawl, qui est connu, anna, il n'y a que les croyants qui le verront. Falhamdulillah. Celui qui choisit le qawl d'Ibn al-Qayyim, il n'y a aucun mal bel. Les adillah, si tu les rassembles, tu comprends hada. Wa illa, qu'est-ce qu'on va dire si on dit que les kuffars ne le verront pas? Qu'est-ce qu'on va dire avec les deux hadiths qu'on a cités? Fa ala kulli hal, la deuxième remarque, c'est anna l'insan, il ne perd pas son temps à al-khawd fi hadhihi al-masail, akhd wa radd, etc. On n'a pas besoin. La preuve, c'est que salaf, ils n'ont pas cité cette masail. Lakin, vu que al-ulama, ils l'ont cité après, alhamdulillah, tastafid ala al-tariq, et après, l'essentiel, fais des efforts. Fais des efforts pour apprendre ton din, pour apprendre la foi, pour apprendre le tawhid, pour mourir à la tawhid, et bi-idhnillahi azzawajal, tu feras partie de ceux qui verront Allah azzawajal sans aucune divergence. Vous avez remarqué que les croyants, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama et fil jannah. Ça, c'est l'unanimité des gens de la sunna qui ont cet avis, donc il n'y a pas de problème. Fahada wallahu ta'ala a'lam. Donc, celui qui veut les détails, quelques références. Hadi al-Arwah de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Un livre tayyib qu'il a écrit sur le paradis. Et il a cité cette mas'ala, mas'ala al-ru'ya. Kadhalik, majmou' al-fatawa de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et on n'oublie pas le charh al-Wasitiyya de l'allama al-Sheikh Harras rahimahullah. Et celui qui veut at-talqi simple, charh al-Lamiyya de Sheikh Mohammed ibn Hizam, hafidahullahu ta'ala, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa an yakhtim lana bil husna wa an yaj'alana min alladhina yarawnahu yawm al-qiyamah wa fil jannah. نكتفي بهذا، إيه، ونبص عن أدخل دوزيوم درس بإذن الله عز وجل.